Check. Military. Soit tu marches, soit tu crèves, salope. Coq, quel motherfucker. Yeah. Al Capote, bande de putain. Check. Unité de feu, unité de ça. 1, 9, 1. Soit tu marches avec nous, soit tu crèves avec eux. Si tu fais le fou, je t'enterre avec eux. Check. La vengeance est un plat qui se mange chaud. J'attends pas pour agir car j'ai le sang chaud. En arsenal, t'inquiète pas, j'ai ce qu'il faut. Ça va faire mal, t'inquiète pas, j'ouvre le feu. Coquette, motherfuck, unité de feu. Tire, ouvre le feu sur les fils de rature. Marche ou crève, ok, telle est ma culture. Ne me force pas à te faire rejoindre ta sépulture. C'est que le début, ne pense pas que t'as fait plus dur. Tu vas morfler, tiens, enculé, ordure. Militari, je t'assure, une valeur sûre. Quand les caribes vont écouter, ils vont se faire dessus. Qu'est-ce tu crois, négro, si t'es pas content, viens, c'est sûr. Dans mon gris nickel, y'a personne qui fait marcher dessus. Le 9-1, c'est la relève, on marche ou crève, remballe ton rap de merde, nous on baise Marjolaine. Marche ou crève, la barre relève, la barre soulève, y'a pas de problème, on fait péter l'alcotest. Le 9-1, c'est la relève, on marche ou crève, remballe ton rap de merde, nous on baise Marjolaine. Marche ou crève, la barre relève, la barre soulève, y'a pas de problème, on fait péter l'alcotest. Marche ou crève. Tombe pas dans la choufette, ton corps peut finir dans un sac poubelle. Arabe ou nègre, faut qu'on s'en sorte par nous-mêmes. Faites fumer du hache ou de l'herbe, c'est de la boulette. Alka, cocaine, on a souffert comme Saddam Hussein. Je fabrique l'argent, la famille attend que je ramène entre les dents le string de Fanny Ardant. Je fatigue Satan, jamais la police arrive, attends ça tire à blanc. Dans vos galeries marchandes, voilà. La vie est aléatoire. Tu ferais mieux d'acheter à boire ou bien d'aller t'asseoir. Mec, je me suis pas fait avoir. Dans le rap, je vais ramener ma poire. Avec cocaïne, on casse des mâchoires. Exact. Nique cet aspect de ma gloire. On encule Vincent McDoom. Maintenant ça se couche, j'enfonce ma main dans ta bouche. Le 9-1, c'est la relève. On marche ou crève, remballe ton rap de merde. Nous on baise Marjolaine. Marche ou crève, la barre relève, la barre soulève, y'a pas de problème, on fait péter l'alcotest. Le 9-1, c'est la relève. On marche ou crève, remballe ton rap de merde. Nous on baise Marjolaine. Marche ou crève, la barre relève, la barre soulève, y'a pas de problème, on fait péter l'alcotest. Le 9-1, c'est la relève. On marche ou crève, remballe ton rap de merde. Nous on baise Marjolaine. Marche ou crève, la barre relève, la barre soulève, y'a pas de problème, on fait péter l'alcotest. Le 9-1, c'est la relève. On marche ou crève, remballe ton rap de merde. Nous on baise Marjolaine. Marche ou crève, la barre relève, la barre soulève, y'a pas de problème, on fait péter l'alcotest. Evry Grigny, c'est nous les récidivistes. Nous tester c'est difficile. Sucez-nous bien, bande de merdeuses. Al Capote, cocaine. Marche ou crève, salope.